Chapitre 20e, le poteau du supplice. Les tribus indiennes portent très haut le sentiment de l'admiration pour le courage. Savoir mourir au milieu des plus terribles supplices sans laisser échapper le moindre cri de douleur est pour elles le sublime de l'honneur. Ils recourent à tous les raffinements de la cruauté envers leur ennemi vaincu, et s'ils parviennent à leur arracher la plus légère défaillance, elles s'en font gloire comme d'un triomphe. Si au contraire, le supplicié reste impassible, elles le placent au rang des héros et respectent sa mémoire. Elles usent même d'une certaine générosité à l'égard de ceux qu'on doit attacher au poteau du supplice. On lui donne une nourriture plus que suffisante pour qu'il puisse supporter l'épreuve à laquelle il sera soumis. Des vivres lui sont fournis avec abondance et souvent même on lui offre des boissons réconfortantes. Maresco, aussitôt après son arrivée au campement, avait été soumis au régime qui précède les exécutions. On l'avait enfermé dans un wigwam placé près de celui du chef, au centre du village, afin de rendre toute évasion impossible. Pudesco lui avait apporté des quartiers de venaison et des fruits. Mais le prisonnier fit, comme on le pense, peu honneur à ses provisions. Les terreurs qui assiégeaient son esprit lui retiraient tout appétit. Toutefois, ce n'était pas la mort qui l'épouvantait. Ayant joué 100 fois sa vie en beau joueur, peu lui importait de mourir, mais ce qu'il redoutait avant tout, c'était la mort horrible qui l'attendait. Dans le cours de son existence accidentée, il était arrivé d'assister au drame terrible dont le désert est le théâtre, et il connaissait tous les raffinements de cruauté des Peaux-Rouges envers leurs ennemis, et il savait à l'avance que rien ne serait épargné pour rendre son agonie plus horrible. Un moment, il songea au suicide, mais le suicide était impossible, attendu qu'il était gardé à vue et qu'on lui avait enlevé le couteau dont il s'était servi pour trouer la pirogue. Un seul espoir lui restait, c'était que sa compagne tiendrait le serment qu'il lui avait renouvelé plusieurs fois. Enfin l'heure redoutable arriva, et le poteau du supplice fut dressé tout près de sa tente au centre du campement. Déjà une foule nombreuse, composée de femmes et d'enfants, entourait ce poteau, et des chants et des cris, sinistre prélude de la fête sanglante, se faisaient entendre et arrivaient aux oreilles de Maresco, comme pour lui donner un avant-goût des tourments qui lui étaient réservés. Pendant cette sorte de prologue, la fille du chef, qui avait disparu depuis sa séparation d'avec l'ancien chef des compagnons de l'Arche, sortit d'un taillis où elle s'était réfugiée. Puis, après avoir regardé autour d'elle, pour s'assurer qu'on ne pouvait la voir, elle se glissa dans un wigwam vide, prit un rifle à une panoplie, et remarquant que l'arme était bien chargée, elle eut un sourire de satisfaction. « Ma main ne tremblera pas, » dit-elle. Ensuite, elle détacha de la panoplie un poignard court à lame acérée. « J'ai pour lui et pour moi, » ajouta-t-elle. Elle regagna le campement. Là, le spectacle qui frappa ses yeux était aussi bizarre que terrifiant. L'espace qui formait la place centrale était éclairé par de grands feux autour desquels des femmes et des enfants formaient des rondes. Tout à coup, un coup strident de sifflet se fit entendre. Alors les dents s'arrêtèrent et tous les regards se dirigèrent du côté de la tente du condamné. Maresco parut bientôt. Il avait les mains liées derrière le dos. 4 guerriers, en costume de guerre, lui servaient d'escorte. Puis après eux, venait un Peau-Rouge étrangement accoutré. C'était le sorcier ou chef de la médecine de la tribu. Ils arrivèrent bientôt auprès du poteau préparé pour le supplice. En moins de temps que nous ne mettons à le raconter, le condamné fut attaché au poteau, la face tournée vers le sud. Ensuite commença une scène hideuse. La foule entoura le poteau et se mit à danser en poussant des cris, de véritables hurlements. Ce n'était que la préface du drame. Lorsque la fatigue eut mis fin aux danses, les femmes s'approchèrent en vociférant les injures les plus grossières aux oreilles de l'ancien chef des compagnons de l'Arche. L'une de ces femmes, une vieille squaw, le souffleta de sa main ridée, puis lui crocha au visage en l'appelant lâche. Ce fut aussitôt comme un signal. De toutes parts, on se rua sur lui, l'accablant de coups sur la face. Pedro Diaz, debout près de la tente du chef, assistait à cet écœurant spectacle. Certes, il n'était point précisément tendre par nature, mais le traitement ignominieux infligé à l'ancien bandit le révoltait. « Vous devriez mettre fin au supplice de ce misérable, » dit-il au lynx des prairies. « Ma tribu se soulèverait contre moi, si je voulais adoucir ou abréger son agonie, » répondit le lynx des prairies. « Laissez faire la justice de mes guerriers, c'est celle de Wakanda. » Lorsque la foule se fut lassée d'injurier de souffle Maresco, deux Peaux-Rouges l'écartèrent et s'approchèrent. Le véritable supplice va commencer, dit le chef aux Texiens. On lui entaillera les chairs et ensuite on le scalpera. Horrible ! Ne put s'empêcher de s'écrier Pedro Diaz. Cependant, les guerriers avaient formé un cercle autour du poteau et tenaient à la main leur couteau de scalpel. Maresco, les yeux dilatés par l'épouvante, frissonnait et regardait de tous côtés dans l'espoir de voir arriver celle qui devait le délivrer par une prompte mort. Un peau rouge s'avança et d'un coup sec, il entama les chairs de la poitrine du condamné. Celui-ci supporta cette atroce douleur sans pousser un cri, sans exhaler une plainte. « Pauvre diable, il se conduit en homme !» glissa le Texien à l'oreille du lynx des prairies. « Attendez, nous ne sommes qu'au début !» répondit le chef avec un ricanement significatif. Au premier guerrier succéda un second armé de son couteau à scalper. Au moment où il le levait, un incident inattendu se produisit. Un coup de feu venait de se faire entendre et en même temps Maresco s'affaissait sur lui-même comme foudroyé. Une balle lui avait traversé le crâne. « Qui a tiré ?» demanda le chef d'une voix tonnante. « Moi !» répondit sa fille, qui tenait à la main un rifle encore fumant. « Toi, malheureuse !» s'écria son père, en courant à elle son couteau levé. Le Texien n'eut que le temps de lui arrêter le bras. « Chef, épargne-la ! À sa place, toute autre femme aurait agi comme elle !» Le lynx des prairies hésitait. Si son cœur de père lui commandait de pardonner, son devoir de chef de tribu lui ordonnait d'être inflexible. « Qu'on l'emmène, je vais l'interroger !» Cet ordre allait être mis à exécution lorsque la jeune indienne roula à terre. Elle s'était frappée de son poignard pour ne pas survivre à Maresco. On ne releva qu'un cadavre. Le lendemain, Pedro Diaz prenait congé du chef des Ports Rouges afin de rejoindre son yacht. « Le visage pâle est mon ami, lui dit le lynx des prairies, et je voudrais lui donner un témoignage d'amitié. Et ce témoignage, quel est-il ? Demanda le Texien. « Il y a encore beaucoup de pépites d'or dans le réservoir des cavernes rocheuses, » répliqua le Port Rouge, « et si mon frère le désire, je lui en donnerai de quoi remplir une de mes pirogues. »« De l'or à moi ? À quoi bon ? » répondit Pedro Diaz. « Je suis sans ambition, satisfait de mon sort, et je ne saurais que faire d'une richesse à laquelle je ne suis pas habitué. »« Mon frère est un sage, » repartit le lynx des prairies en lui serrant la main. 8 jours plus tard, l'émissaire du duc de Clodion avait rejoint son petit vapeur qui l'attendait pour retourner en France.